réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures ? Bonjour tout le monde, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible en ce mercredi 16 décembre. Aujourd'hui sort au cinéma le très attendu 7e volet de la saga Star Wars. Et depuis lundi, l'historien Thomas Negaroff nous propose une lecture politique de cette entreprise cinématographique lancée par George Lucas. De la guerre du Vietnam aux années Reagan, du concept du côté obscur de la force du film à celui de l'axe du mal lancé par Bush dans la vraie vie. Une analyse en 5 jours, 5 épisodes, dans un instant le 3e épisode de notre série donc, La guerre des étoiles n'aura pas lieu. En deuxième partie, je reçois Gilles Verwisch pour son ouvrage Star Wars, la philo contre-attaque, édité par Le Passeur. Que la sagesse soit avec nous, aujourd'hui plus que jamais, un autre jour est possible, votre réveil culturel. Allez, c'est parti. Somewhere in space, this may all be happening right now. Star Wars. Here they come. The story of a boy, a girl, and a universe. Bonjour Thomas Negaroff. Bonjour. Avant le 3e épisode de notre série La guerre des étoiles n'aura pas lieu, juste une question, c'est aujourd'hui le grand jour. Est-ce que vous allez être parmi les premiers à aller voir Le Réveil de la Force, le Star Wars 7 qui sort? Est-ce que vous avez déjà réservé votre place? Alors pas encore, mais effectivement je vais m'y précipiter. C'est difficile de pas y aller hein, quand on a écrit un livre sur les 6 premiers épisodes, de pas aller voir le 7e. Le 7e à la sauce Disney, parce que Lucas a été un peu exclu du projet. Mais oui, j'ai envie de le voir, notamment pour savoir si les femmes ont bien pris le pouvoir. C'est une des hypothèses dans mon livre. Je pense qu'encore une fois, La guerre des étoiles racontera une chose de l'Amérique. Et peut-être que les femmes, enfin, auront leur vraie place dans cette saga où avant, elles étaient vraiment des faire-valoir. Et vous reviendrez l'année prochaine pour nous dire voilà pourquoi Hillary Clinton est la première présidente des États-Unis. C'est grâce à Star Wars. La guerre des étoiles n'aura pas lieu. 3e épisode avec l'historien Thomas Negaroff, auteur d'un ouvrage qui vient de paraître chez Naïve, Je suis ton père, la guerre des étoiles, l'Amérique et ses démons. Et aujourd'hui, on va parler de la guerre des mots, l'empire du mal. Ben oui, ça sort d'où? Ça sort du film ou ça sort de la Maison Blanche? Côte ouest ou côte est? Alors c'est là où on est effectivement entre, on ne sait plus si c'est l'œuf ou la poule, lequel est le premier, lequel est le deuxième. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'expression d'empire du mal, elle surgit dans la bouche du président Ronald Reagan, qui a été élu en 1980, pris le pouvoir en janvier 1981. Lui-même, ancien d'Hollywood. Ancien d'Hollywood, évidemment. Là, on est effectivement dans une espèce de... La frontière entre la fiction et la réalité, elle est de moins en moins évidente. Vous savez que même, quelques temps plus tard, quand on parlera d'une intervention militaire américaine, qui avait plutôt raté hein, pour aller libérer des otages américains au Liban, Reagan a répondu à la presse, il avait dit « J'ai vu Rambo hier soir ». J'aurais agi différemment si je l'avais vu avant l'intervention. Voyez, donc on a une espèce de mélange entre la fiction, la réalité. Les discours de Ronald Reagan empruntent énormément de références au cinéma. Parfois, il invente des histoires et après les journalistes ou historiens se rendent compte qu'en fait, ils pensaient que c'était une vraie histoire, mais en fait, c'était tiré d'un film des années 50. Enfin, on est une frontière extrêmement floue entre Reagan et Hollywood. Et alors effectivement, le 8 mars 1983, lorsqu'il prononce son grand discours sur l'empire du mal, là je crois qu'on est au cœur de la confusion. Je vous exhorte à vous opposer à ceux qui ont placé l'Amérique en situation d'infériorité militaire et morale. Je vous exhorte à vous méfier de la tentation de l'orgueil, la tentation de vous déclarer au-dessus de tout cela et de considérer que les deux côtés se valent, d'ignorer l'histoire et les pulsions agressives d'un empire du mal. Ainsi, vous retirez de la lutte entre le vrai et le faux, le bien et le mal. And good and evil. Mais c'était il y a 30 ans cette expression « l'empire du mal » tout droit sorti du film de Lucas. Plus tard on parlera de l'axe du mal, mais on aura le temps d'y revenir, Thomas Negaroff. Mais le mal, ça y est, il est posé. Oui, dans un précédent épisode avec vous, on avait posé la notion du démon, hein, du démon qui a une force incommensurable, qui est réductible d'ailleurs. Hein, vous savez peut-être pour l'anecdote que l'opération qui a tué Ben Laden, elle s'appelait Geronimo. C'est-à-dire que tous les démons de l'Amérique, hein, l'Indien, Ben Laden, tout ça, c'est le mal, celui qui veut détruire l'Amérique. Et avec une connotation religieuse, parce qu'on est en Amérique, bien sûr. Évidemment. Et d'autant plus avec Ronald Reagan. Il ne faut jamais oublier que Ronald Reagan est arrivé au pouvoir dans les années, à la fin des années 70, début 80, porté par un mouvement qu'on appelle The Moral Majority, la majorité morale, animée par des gens, des révérends comme Jerry Falwell, qui sont absolument persuadés que le temps de l'apocalypse est proche. C'est des gens qui sont persuadés que l'apocalypse est pour peut-être demain. D'ailleurs, Ronald Reagan, 11 fois, entre 1980 et 1988, utilisera le terme apocalypse dans ses discours. On a du mal à l'imaginer. Vous imaginez un président français parler d'apocalypse et d'Armageddon, on se dirait il est fou. Aux États-Unis, quand il dit cela, et c'est l'Armageddon nucléaire, hein, dont il s'agit. En gros, les soviétiques, peut-être un jour, nous attaqueront, et ils sont le mal absolu. Alors, le temps de l'apocalypse est arrivé pour eux, parce que, selon la Bible, les juifs sont revenus en Israël, une guerre va éclater au Moyen-Orient, des millions de juifs vont disparaître, ça c'est, voilà. Donc on est dans ce contexte-là, il faut donc, nous-mêmes, lutter contre cet empire du mal. Et ce mal-là, il est utilisé en permanence, et non seulement en 1983, mais on va le retrouver. Vous avez cité effectivement George Bush, fils, en 2001, après le 11 septembre, où il évoquera l'axe du mal pour évoquer les ennemis de l'Amérique. Donc il y a une espèce de continuité du côté des républicains autour de ce mal. Et Jerry Falwell, lui aussi, va tirer un fil, puisque le Jerry Falwell qu'on retrouvait autour de Ronald Reagan et qui lui souffle l'idée de l'apocalypse, qui lui souffle l'idée de l'Armageddon. L'Armageddon, c'est le conflit final entre le bien et le mal, on en est là. Les pulsions, Reagan parlait des pulsions agressives de l'empire du mal, les pulsions, vous voyez, on est vraiment dans l'irrationalité la plus totale quasiment. Ou alors dans un film hollywoodien. Voilà, ou alors dans un film hollywoodien effectivement où tout est possible. Et Reagan à ce moment-là donc va embrasser cette théorie complètement de théologie en fait, hein, qu'on retrouve donc chez Falwell. Et Falwell dira après le 11 septembre 2001, c'est là que ça devient fascinant. Alors que tout le monde sait bien, voilà, qui sont les commanditaires, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà l'explication de Jerry Falwell. Quand nous détruisons 40 millions de petits bébés, nous rendons Dieu fou de colère. C'est la colère divine. Et donc, quel que soit l'ennemi finalement, l'URSS ou un autre, ce que ça veut dire, le mal pour ces gens-là, c'est de dire que nous avons failli, notre nation est en train de prendre une mauvaise voie et nous sommes punis par Dieu. Nous sommes one nation under God, nous sommes une nation sous la protection, sous la vision de Dieu, mais nous sommes aussi du coup une plus surveillés, nous sommes la nouvelle Jérusalem, hein, comme on disait à l'époque, comme nous allons pouvoir faire le monde à nouveau, comme disait Thomas Paine en 1776, et Dieu peut nous punir, en l'occurrence là c'est pour l'avortement, mais Jerry Falwell dira aussi, tous ceux qui ont conduit au 11 septembre, c'est les païens, les lesbiennes, les infidèles, il y a une lecture eschatologique de l'histoire, il faut être à la hauteur de la mission divine, à la hauteur de ce territoire que nous a donné Dieu, sinon on va basculer dans autre chose et la colère divine sera terrible. Donc on peut dire URSS, on peut dire aujourd'hui l'État islamique, mais derrière il y a des gens, pas tous les Américains bien sûr, mais qui considèrent que c'est l'Amérique qu'on punit. Et on a ça aujourd'hui, hein. Vous savez, dans la campagne présidentielle américaine, dans la course des républicains, vous avez des candidats très forts, Bernie Carson et Donald Trump, qui évoquent en permanence la figure de Reagan et évoquent une Amérique apocalyptique, un monde apocalyptique. Ils disent, eux, que les années Obama ont conduit l'Amérique vers l'apocalypse et donc qu'ils sont les seuls à pouvoir redonner à l'Amérique une force telle et des valeurs tels qu'ils pourront lutter contre l'apocalypse. Et dans la dimension apocalyptique, on retrouve l'avortement, ONI évidemment, et ces questions sociétales. Donc on voit que quand Reagan en 83 dit « empire du mal », il y a plein de choses derrière cette dimension-là. Il y a surtout l'idée d'une vraiment vision très eschatologique de l'histoire américaine, une histoire avec une idée de fin du monde à venir, et qu'il faut lutter contre cette fin du monde par tous les moyens possibles, quitte à ériger l'adversaire comme le mal absolu. C'est ce que fera Reagan en 83. Mais c'est donc une récupération, parce que résumons, Thomas Negaroff, votre propos. Lors du premier épisode, vous nous expliquiez comment Lucas était plutôt traumatisé, comme tous les Américains, par la guerre du Vietnam, et il va imaginer un film, certes grand public, mais qui va plutôt dans le sens de la contre-culture. Et là, on voit les républicains, les plus conservateurs des conservateurs, récupérer ce film qui était censé être un produit de contre-culture dissimulé dans un blockbuster. Ouais, c'est un peu ça. Et vous avez tout à fait raison. C'est le grand paradoxe de la guerre des étoiles. C'est effectivement d'avoir été récupéré par ses ennemis. Mais ça, le capitalisme américain sait bien faire. Récupérer ses adversaires pour les gober et nourrir le système lui-même. Le film de Lucas, qui était soi-disant effectivement une lutte contre l'empire, contre les pulsions américaines, effectivement, qui sont réelles, de s'étendre, d'étendre ses tentacules un peu partout dans le monde, eh bien, a été complètement ingéré par le système américain, par les plus conservateurs même. Et effectivement, tout le talent finalement d'un Reagan, c'est d'avoir saisi à ce moment-là, plutôt ses conseillers que lui, parce qu'il saisissait pas grand-chose, mais d'avoir saisi à un moment donné la force que pouvait avoir dans l'Amérique de ce moment-là l'érection de cette notion de mal. Aux États-Unis, en passant par un film. Par un film fédérateur, parce que c'est déjà un grand succès. Oui, d'autant plus qu'on est là le 8 mars, mais deux semaines plus tard, on aura l'expression « Guerre des étoiles ». C'est comme si c'était préparé. Et là, on en parlera dans l'épisode prochain, mais le 8 mars, c'est encore le mal. Et effectivement, quand Reagan agite la menace d'un mal absolu, et contre lequel il faut lutter, tous les Américains se sentent du côté forcément des rebelles de la République qui luttent, alors qu'à ce moment-là, un Lucas considère lui que l'Amérique est à égalité quasiment avec l'URSS, que l'Amérique a aussi entravé la liberté des peuples, notamment en Amérique latine, etc. Mais vous voyez, par un tour de passe-passe, vous avez un Reagan et l'administration conservatrice de l'époque qui va, vous voyez, je disais ingérer et digérer, mais c'est vraiment ça, le propos relativement contre-culturel de Lucas. Et avant de passer à la deuxième partie de l'émission, récupération pour récupération, Thomas Negaroff, on va écouter Bruce Springsteen, Born in the USA. Et pourquoi ce choix? Parce que c'est devenu aujourd'hui presque un hymne biste ultra-patriotique, alors que dans l'esprit de Springsteen, au début des années 80, c'était plutôt pour mettre en avant le traumatisme du Vietnam, une nation un peu déboussolée. Et on voit comme un peu comme le projet de Lucas, comme il a été repris à sa main par la culture mainstream et très patriotique américaine. À demain, Thomas Negaroff. Que la force soit avec les producteurs et distributeurs qui ont un film qui sort aujourd'hui. Ça va être vraiment très difficile de se frayer un chemin, une petite place. camp déboule avec la puissance de feu médiatique, de tonnerre de Dieu, le blockbuster tant attendu, Star Wars, le réveil de la force. Le 7e volet de la saga imaginée lancée par George Lucas sort donc aujourd'hui, ça personne ne devrait l'ignorer. Et mon invité ce matin, Gilles Verviche, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas comédien dans le dernier film, non. Dans le dernier Star Wars. Vous êtes professeur de philosophie et vous avez publié chez Le Passeur Star Wars, la philo contre-attaque, parce que pour vous, c'est très facile d'apprendre la philo à partir de Star Wars. Oui, c'est très facile. En tout cas, c'est un des moyens que je peux utiliser. J'ai pris l'habitude depuis quelques années, aussi bien dans mes publications que dans mes cours, de passer par la pop culture. De passer par ce qu'on appelle voilà la pop culture. Par exemple, j'ai fait l'année dernière quelques cours à partir de scènes de Game of Thrones. Je prononce mal, mais voilà, effectivement, on trouve dans Star Wars effectivement des thèmes philosophiques sans tirer par les cheveux. Hein. Enfin, j'ai pas forcé les choses, me semble-t-il. Il y a des thèmes évidents hein, que tout le monde connaît, le bien et le mal. Par exemple, et puis il me semble que effectivement la religion, la politique, la guerre et d'autres thèmes de ce genre sont assez faciles à aborder. En tout cas, dans un premier temps, ça permet d'ouvrir une porte pour ceux qui seraient pas tout à fait familiers de la philosophie. Alors justement, c'est quoi la philosophie de Star Wars ? Alors, si on veut résumer, la philosophie de Star Wars, c'est ce que j'ai découvert, c'est plutôt une philosophie orientale que occidentale. Moi, je voulais faire au départ ma pop philo habituelle, je vais faire du Sartre et du Descartes, et justement, en grattant un peu, je me suis rendu compte qu'on était plutôt du côté de la philosophie orientale, en particulier parce que les fameux Jedi qui philosophent au sabre, hein, Nietzsche a dit comment on philosophe au marteau, les Jedi c'est comment on philosophe au sabre, sont plutôt héritiers des samouraïs qui mêlaient à la fois le zen et les arts martiaux, donc c'est une philosophie orientale. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est plutôt dans cette philosophie? Là, ça veut dire que contrairement à une philosophie cartésienne, on ne passe pas par la pensée. Le cogito, c'est une philosophie de la non-pensée, justement, parce que c'est une philosophie de l'action. Il y a des phrases assez récurrentes dans Star Wars, utilise ton intuition, j'ai un mauvais pressentiment. Donc on est plutôt dans l'intuition et le sentiment. Mais comment philosopher au sabre, Gilles Verviche ? Mais je sais pas, j'ai jamais fait moi personnellement. Mais justement, on ne cogite pas pour philosopher au sabre. Alors ça apprend justement à maîtriser le corps à partir de l'esprit. C'est aussi une des grandes différences par rapport à la philosophie cartésienne et occidentale. Hein, on a une distinction entre l'âme et le corps, alors que là on affirme le lien entre l'âme et le corps et une philosophie de l'action. Je dirais. Mais vous faites quand même une lecture aussi de Star Wars en passant par des grands philosophes occidentaux. Oui, tout à fait, tout à fait. Sur le chapitre de la guerre, oui, parce qu'il faut que le public en ait pour son désir. Donc on passe évidemment, par exemple, ce chapitre sur la politique avec l'empereur Palpatine qui prend le pouvoir. On passe par Machiavel, on passe aussi par la Boétie de la servitude volontaire. Sur la guerre, on a le droit à son petit Hegel quand même, hein, sur Hegel qui dit que la guerre est pas quelque chose de mauvais puisqu'elle nous rend plutôt plus grands, elle nous apprend à nous défaire de notre égoïsme. On rencontrera Sartre, Hannah Arendt, effectivement Platon, hein, sur le désir, hein, par exemple. Donc effectivement, il y a toute une tradition occidentale, puisque la philosophie qu'elle soit orientale ou occidentale pose toujours le même problème, c'est celui de la mort. Hein. Apprendre à philosopher, c'est apprendre à mourir, comme disait l'autre, c'est-à-dire Montaigne. Bah alors non, mais commençons par Hannah Arendt. Pourquoi dites-vous, Gilles Verviche, dans votre ouvrage Star Wars, la philo contre-attaque, la saga décryptée, qu'elle n'aurait pas aimé Star Wars ? Parce que quand je faisais mes études de philo, j'étais tombé dans un cours sur l'art, sur le livre de Hannah Arendt, La crise de la culture, où elle passe tout un chapitre à démonter ce qui deviendra finalement la pop culture ou la pop philosophie, où elle dit des gens bien informés, bien cultivés veulent faire croire que Hamlet serait aussi divertissant que My Fair Lady, et finalement elle oppose hein, largement culture et divertissement. Et cette idée justement de partir d'un film comme Star Wars pour faire de la philo, elle aurait pu dire à la place de My Fair Lady Star Wars, hein, des gens qui veulent nous faire croire que Hegel est aussi divertissant que Star Wars par exemple, donc elle a tendance à penser que le divertissement ne peut pas aller avec la culture. Alors, pour parler un peu d'actualité et de Star Wars, la religion doit-elle disparaître? Ça fait partie de vos questionnements philosophiques dans cet ouvrage, Gilles Verwisch. Et vous trouvez dans la saga lancée, imaginée par George Lucas, quelques éléments de réponse philosophique. Oui, ambivalent ou ambigu, comme tous les sujets de philosophie que j'essaye de traiter, parce que c'est toujours comme ça. Effectivement, je pars d'une fameuse phrase dans l'épisode original, le film original qui s'appelait à l'époque La Guerre des Étoiles, où Dark Vador dit Je trouve votre manque de foi dérangeant. Dérangeant, voilà, disturbing en anglais. Et effectivement, il y a l'idée que s'il reste une part d'humanité chez Dark Vador, c'est finalement sa croyance dans la religion. Alors on a un côté très ambivalent, puisque la religion est présentée quand même comme une attitude un peu primitive, comme on en trouve la critique chez Freud par exemple, avec les Ewoks qui ont encore une religion. Et puis par ailleurs, c'est cet empire complètement matériel et froid et dénué de toute spiritualité est aussi un empire dans lequel la religion en général a pu disparaître et qui nous montre que finalement c'est peut-être pas forcément tout à fait quelque chose de tout à fait mauvais. Alors Star Wars, tout le monde a récupéré le phénomène Star Wars, alors qu'au début personne ne misait sur ce film qui devait être un film de série B tout au plus. Les politiques bien sûr, comme on le voit en début d'émission depuis lundi, et maintenant ce sont les philosophes. D'ailleurs je voudrais juste signaler que la semaine prochaine pour la semaine de Noël, il y aura toute une série consacrée à Star Wars et la philosophie dans les nouveaux chemins de la connaissance, bien évidemment. Et d'une manière générale, toute la semaine prochaine sur France Culture, on fêtera les super-héros. Gilles Verwisch, est-ce que vous, c'est un exercice de style ou est-ce que vous pensez que réellement cette série a été pensée avec des références philosophiques très présentes? Alors, je sais que ça a été pensé avec des références philosophiques très présentes. C'est la question qu'on me pose assez régulièrement. Bon, d'abord, c'est pas de la récupération dans le sens où, personnellement... Oh, mais ça peut être jouissif, parce que j'ai lu avec beaucoup de plaisir votre ouvrage. Hein. Non, mais on pourrait penser qu'effectivement, c'est un livre de circonstances. Moi, je suis philosophe ou enseignant de philosophie, mais par ailleurs, je suis fan de Star Wars depuis que j'ai 10 ans, donc j'ai suivi les deux chemins en parallèle. Et en grattant un peu, notamment dans mes recherches pour ce livre, j'ai découvert que l'inspiration, la bibliographie, les références de Lucas, c'était effectivement assez solide, quoi. Alors, son point de départ, c'est plus la mythologie que la philosophie précisément, mais comme je cite Aristote au début du livre qui exactement dit que celui qui aime les... S'étonner, c'est reconnaître sa propre ignorance, et c'est pourquoi aimer les mythes est... en quelque manière, se montrer philosophe, car le mythe est composé de merveilleux. Voilà, hein, je veux dire, dans les mythes, depuis la nuit des temps, on trouve forcément les questionnements de l'homme sur sa condition. On peut penser à tous les mythes qu'on veut, à commencer par le fameux mythe d'Édipe, je suis ton père. Et donc, forcément, ce qu'il y a derrière un mythe est forcément une réflexion philosophique. Donc, le maître à penser de Lucas, c'était Joseph Campbell, professeur de mythologie, qui lui-même a fait des recherches, mais il s'inspire aussi. Il a un discours qui ressemble assez à Jung, hein, sur les archétypes, le côté obscur justement de la force. Donc après, il y a plein d'autres références. Il y avait vraiment l'intention de Lucas. Enfin, il est ambigu sur le sujet. Il dit d'une part qu'il voulait faire un film pour les ados, un peu comme American Graffiti, prends ta voiture et va draguer les filles. Et puis en même temps, il a, mine de rien, beaucoup travaillé son histoire, son scénario, et il avait beaucoup de choses à dire. Et est-ce qu'on peut vous poser une question très personnelle, Gilles Verwisch, genre le psy de bon matin, pourquoi vous avez été attiré par Star Wars depuis votre tendre enfance, depuis le premier numéro? Dans l'enfance, c'est peut-être simplement parce que c'est justement un divertissement. Après, on s'y accroche peut-être par nostalgie de son adolescence aussi. Faut pas se mentir. Hein. Quand on montre Star Wars à des adultes qui ne l'ont jamais vu, ils trouvent peut-être moins le côté. Enfin, ils comprennent pas toujours ce qui a pu plaire. Alors après, je sais pas. Je pense que c'est comme tout le monde. Comme on a affaire à un mythe fondateur pour moi, enfin en tout cas de l'époque moderne, on y trouve des choses qui parlent sans qu'on s'en rende compte à notre inconscient, hein, profond. Mais c'est pas la recherche du père avec le père avec un grand P, vous qui êtes sans doute un enfant de parents qui ont connu 68, parce que vous dites que la grande affaire de Star Wars dans votre ouvrage, Gilles Verviche, c'est quand même la recherche du père. Hein. Oui, la recherche du père et du qui suis-je. Alors je vais pas vous raconter ma vie. C'est une question personnelle. La réponse va être personnelle. Effectivement, on pourrait dire qu'il y a peut-être de ça. Après, effectivement, on va peut-être pas tomber dans la psychanalyse à 2 €. Il y a sans doute des choses qui résonne dans mon esprit sans que je m'en sois rendu compte à l'époque. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire jusqu'à la première séance de Star Wars 7 ? Eh bien, je vais patienter. Je suis impatient de le voir, mais il ne me paraît pas important d'être le premier à le voir, ni de le voir le premier jour forcément. Hein. Je pourrais attendre quelques jours. Voilà, hein, mais c'est aujourd'hui, c'est un outil pédagogique pour vous, Gilles Verviche, ou c'est les deux ? C'est tout à la fois un objet de votre enfance, c'est un spectacle que vous attendez, et enfin un objet pédagogique, 3 en 2. Voilà, quand on veut intéresser les élèves ou même les lecteurs à la philosophie, il me semble que c'est quand même un bon moyen de partir de choses qui nous intéressent nous-mêmes. Quoi. Donc il y a cette... je me suis vraiment amusé, régalé, pas que amusé, régalé à travailler là-dessus, quoi. C'était quand même... Et c'est contagieux parce qu'on s'amuse vraiment à lire votre ouvrage. C'est édité par Le Passeur. Star Wars, la philo contre-attaque, la saga décryptée par Gilles Verviche, mon invité ce matin, qui va se prêter, comme tous les invités, au jeu du questionnaire d'un autre jour. 3 questions. Au hasard. Bon, moi je prends la première. Aimez-vous Brahms ou lui préférez-vous un autre compositeur ? Alors Brahms, je connais mal, et du coup je lui préfère forcément, enfin, Mozart, moi j'aime beaucoup Mozart. Alors on parlait du père, sans doute parce que mon père étant lui-même un grand passionné, voire spécialiste de Mozart, j'ai été assez vite éduqué à Mozart. J'ai dû voir par exemple la flûte enchantée dans beaucoup de versions à l'opéra. Voilà, donc j'ai l'intégrale, de même que j'ai l'intégrale de Star Wars, j'ai aussi la fameuse intégrale de Mozart. Deuxième question. Quel est votre écrivain de prédilection ? Alors c'est un écrivain à cheval entre la littérature et la philosophie, c'est Pascal. C'est mon auteur de chevet, Pascal. Je trouve que tout ce qu'il dit est vrai. Je passe par Pascal parce que je trouve qu'il se suffit à lui-même, parce que je trouve qu'il a vraiment des formules. Voilà, quand je dis à mes élèves, vous savez, le cœur a ses raisons que la raison ignore ou ne connaît pas, ou le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Voilà, à chaque fois qu'il dit quelque chose, je trouve ça très très vrai. Après, certains, je crois que c'est Alain qui disait, je refuse de lire Pascal parce que c'est très très bien, mais je sais où il veut m'emmener, justement, dans l'idée qu'il faut croire en Dieu ou que l'homme est perdu sans Dieu. Donc, en tout cas, je trouve toujours beaucoup de vérité et de beauté dans Pascal. Troisième et dernière question. Combien de temps passez-vous devant les écrans de télé, d'ordinateur ? Beaucoup. Plus de 3 heures par jour, j'imagine. Alors, l'ordinateur devant son traitement de texte, ça compte peut-être pas parce que là, il faudrait monter à 6 ou 7. Mais je regarde pas mal la télé, les séries américaines, hein. J'évoquais Game of Thrones tout à l'heure, je regarde volontiers, je lis aussi, mais je passe beaucoup de temps effectivement devant les écrans. Merci Gilles Verviche. Merci. Vous le faites le générique de fin. C'était Un autre jour est possible, le magazine culturel très matinal de Toufik Hakem. Un autre jour est possible, c'est tous les jours à 6h du matin à la radio ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne et le podcast disponible sur franceculture.fr. Cette émission a été préparée avec la complicité d'Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet. À la technique, Emmanuel Morse-Duncan. À la réalisation, Vincent Abouchard. Vous faites bien les génériques, Gilles Verviche. Ben, merci. Merci tout le monde. On se retrouve demain à la même heure. Passez une excellente journée au cinéma ou ailleurs. Et à demain.